Rossignolet du poir, rossignolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière comment il faut aimer, comment il faut aimer, comment il faut aimer, je m'en vais vous le dire. Vous chantez des aubades 2 heures après minuit. Vous lui chantez la belle, c'est pour vous réjouir, c'est pour vous réjouir. On m'avait dit la belle que vous avez des pommes de renette qui sont dans votre jardin. Permettez-moi la belle que j'y mette la main, que j'y mette la main. Non, je ne permettais pas que vous touchiez mes pommes. Prenez d'abord la lune et le soleil en main, puis vous aurez les pommes qui sont dans mon jardin, qui sont dans mon jardin.